démons. Et aussi, j'encule Dieu, j'encule mes musiciens de merde, j'encule ceux qui vont me perdre, j'encule mes musiciens de merde. J'encule les étoiles, j'encule les cieux, les archanges et les démons, j'encule Dieu, j'encule mes musiciens de merde, j'encule ceux qui vont me perdre. J'encule l'indépendance.